Ouais, ça continue. RAZ, pas chaud, pas l'enfance, mec. Prends pour qui, mec? Non, plutôt tu prends pour quoi? Pour des billets violets, nous on serait des centimes d'euros, des Ramsa de l'eau. Ouais, laisse-moi rigoler, va. RAZ, t'es prêt? Parce que là, pas chaud, yo. J'étais seul dans le ventre de ma mère. Puis oups, grâce à Dieu, me voilà sur terre avec un destin à vivre, une promesse à tenir. Pour finir comme tout le monde dans le ventre de la terre et passer des états pour finir en enfer ou finir dans l'Éden. Dur de tenir sans sexe, de tenir sa langue dans ce monde où le silence et l'amour ne règnent pas. Allez l'ennemi, vas-y heurte-moi. Tu te prends pour qui? Pour un ange qui vole pas. On est sur terre, t'es comme moi. Une tête, un cœur, deux jambes et deux bras. Tu viens d'une femme qui t'a porté bien 9 mois. Enfin t'empêche, on se trompe, on marche droit. On danse, lève, on flâne, on se prépare. On puisse en pète, on chie des grosses rares. La force qui pèse lourd, c'est la foi. Dieu seul sait qui la porte ou la porte pas. Allez, ma chou, donne-en la suite. Eh ouais, t'es prêt? Yo, ok, va chaud. Je voudrais comme en terre, juste à côté de mon grand-père. Je vais finir au paradis pour revoir ma grand-mère. Eh ouais, ceux qui parlent, je les emmerde. Y'a trop de rumeurs, de jour en jour, les frères partent et la rumeur. N'essaie pas de me retenir si je pars. C'est mon heure, avec honneur, Inch'Allah. J'pars sans douleur. Malheureusement, je viens de la côte et c'est hyper dur. J'accélère pour attraper le temps perdu. Un homme s'est pris une balle perdue. Cette histoire est tendue, l'homme a survécu. Mais maintenant il est devenu barbu. Barbu, barbu.